Depuis notre point de départ dans les mers du Japon, nous avons fait 5250 lieues. Le capitaine Nemo m'annonce que nous allons gagner l'océan Indien par le détroit de Torrès. Mais il est obstrué par d'innombrables brisants qui rendent sa navigation presque impraticable. L'hélice du Nautilus, comme une queue de cétacé, bat alors les flots avec lenteur. Autour du bateau, la mer bouillonne avec furie. Pourtant peu enclin à la peur, Ned Land s'écrie « Voilà une mauvaise mer! Il faut que ce damné capitaine soit certain de sa route, car je vois là des pâtés de coraux qui mettraient sa coque en 1000 pièces si elle les effleurait seulement. » La situation est en effet périlleuse, mais le Nautilus réussit à se glisser jusqu'à l'île de Gueboroa. Soudain, un choc me renverse et je sens une légère gîte sur bâbord. Je cours sur la plateforme, rejoindre le capitaine Nemo et lui demande « Un accident ?» Non, un incident. Un incident, capitaine, qui vous obligera peut-être à redevenir un habitant de cette terre que vous fuyez. Nous nous sommes échoués sur un écueil au moment de la pleine mer. Or, les marées ne sont pas fortes dans le Pacifique. Et si vous ne pouvez délester le Nautilus, ce qui me paraît impossible, je ne vois pas comment il sera renfloué. Sans être ému ni contrarié, le capitaine Nemo me répond « Les marées ne sont pas fortes en effet, mais dans 5 jours c'est la pleine lune. Et vous savez comme moi, professeur, que ce satellite soulèvera un peu plus le niveau de la mer et nous mettra ainsi à flot. Alors, attendons. » Avec la permission du capitaine, mes compagnons et moi sillonnons l'île afin de savourer quelques venaisons et faire des provisions de mangue, d'ananas et de bananes. Tout en se rassasiant, Conseil propose tranquillement « Si nous ne retournions pas ce soir au Nautilus ?» Aussitôt Ned Land ajoute « Si nous n'y retournions jamais !» Mais juste à ce moment, une pierre vient rouler à ses pieds. Intrigué, Conseil déclare « Une pierre ne tombe pas du ciel. » Soudain, à la vue d'un sauvage, le Canadien s'écrie « Au canot, vite !» Nous voyons détaler, une centaine de sauvages nous lancent alors une pluie de flèches et de pierres en poussant des hurlements. Néanmoins, nous réussissons à monter dans le canot et regagnons enfin le Nautilus. Dans son salon, le capitaine Nemo est en train de jouer de l'orgue. Haletant, je l'interromps. « Capitaine, des sauvages nous suivent !»« Des sauvages ? Et vous vous étonnez qu'ayant mis les pieds sur une des terres de ce globe, vous y trouviez des sauvages ? Ne vous inquiétez pas, professeur. Quand bien même tous les indigènes de la Papouasie seraient réunis sur cette plage, le Nautilus n'aurait rien à craindre de leurs attaques. Allez vous coucher. » Et demain, à 2h40 de l'après-midi, nous quitterons tranquillement cette île avec la marée. Il m'est impossible de dormir. J'entends le bruit des sauvages qui piétinent sur la plateforme en poussant des cris assourdissants. La nuit me paraît une éternité. À 2h35, le capitaine Nemo paraît enfin dans le salon, l'air serein. Nous allons partir. J'ai donné l'ordre d'ouvrir les panneaux. Et les Papouas ne vont-ils pas pénétrer à l'intérieur du Nautilus ? Monsieur Aronnax, on n'entre pas ainsi par les panneaux de mon navire, même quand ils sont ouverts. Venez voir. Quand Conseil et moi, nous nous approchons de l'escalier central, les panneaux sont en effet grands ouverts, malgré la présence d'une vingtaine de sauvages qui poussent des cris de rage. Soudain, ils s'élancent vers la rampe de l'escalier pour nous attaquer. Quand ils sont violemment rejetés en arrière par je ne sais quelle force invisible. Je comprends alors que la rampe est en fait un câble de métal chargé d'électricité et qu'il peut, selon sa tension, foudroyer celui qui le touche. Mais je comprends surtout que le Nautilus est vraiment un bateau invincible. Et comme l'avait prévu le capitaine Nemo, l'appareil abandonne sain et sauf les dangereuses passes du détroit de Torrès. Nous voici maintenant dans l'océan Indien, où nous stationnons au large de l'île de Ceylan. Jetant un œil sur la carte, le capitaine Nemo me propose « Cette terre est célèbre par ses pêcheries de perles. Vous serait-il agréable d'en visiter une ?»« Mais, à propos, monsieur Aronnax, vous n'avez pas peur des requins ?»« Des requins ? Je vous avouerai que je ne suis pas très familiarisé avec ce genre de poisson. » « Ne vous inquiétez pas, professeur, nous serons armés. Vous verrez, c'est une chasse intéressante. Retrouvez vos compagnons et enfilez vos scaphandres. Je vous attends dans le canot. » La vue de multiples poissons apaise ma peur. Alors que j'évolue dans le banc des huîtres perlières, j'aperçois un Indien en récolté avec une habileté surprenante, aussi longtemps que son souffle le permet. Agenouillé sur le sol, je le vois tout à coup faire un geste d'effroi. Un requin immense s'avance vers lui, mâchoire béante. Puis d'un coup de queue, il le frappe à la poitrine, l'étendant aussitôt sur le sol. En quelques secondes, le requin revient et s'apprête à couper le pêcheur en deux. Quand avec une prodigieuse agilité, le capitaine Nemo enfonce sa lame dans le ventre de l'animal. Mais celui-ci, malgré le flot de sang qui jaillit de sa blessure, se retourne et ouvre ses mâchoires comme une gigantesque cisaille. Il est sur le point de les refermer sur le capitaine, quand dans un geste rageur et précis, Ned Land transperce le monstre avec son harpon. Remonté à la surface, le malheureux pêcheur revient à lui, et j'aperçois le capitaine lui glisser un sachet de perles. Ainsi donc, cet homme qui a fui l'humanité n'est pas parvenu encore à tuer son cœur tout entier. Et quand je lui en fais la remarque, il me répond d'un ton ému « Cet Indien, monsieur le professeur, c'est un habitant du pays des opprimés. Et jusqu'à mon dernier souffle, je serai de ce pays-là. » Après avoir passé le canal de Suez et traversé l'archipel grec, nous longeons à présent la côte portugaise, sur l'océan Atlantique. La France et l'Angleterre ne sont pas loin. En quelques jours, nous pourrions y trouver refuge. Mais Ned Land, devenu trop impatient, me lance d'un air mauvais. « C'est pour ce soir. Nous étions convenus d'attendre une circonstance. Et cette nuit, nous ne serons qu'à quelques milles de la côte espagnole. J'ai votre parole, monsieur Aronnax, et je compte sur vous. Conseil et moi vous attendrons à l'escalier central, à 9h. » Je me suis procuré une clé anglaise pour dévisser les écrous qui attachent le canot à la coque du Nautilus. La mer est mauvaise, Ned. J'en conviens, professeur, mais nous avons pour une fois la chance de longer des côtes proches de chez nous. À ce soir. Au fil des heures, mon malaise devient insupportable. J'ai le désir de rentrer et à la fois le regret d'abandonner ce merveilleux Nautilus. À 9h moins quelques minutes, alors que je m'apprête à rejoindre l'escalier central, je sens un léger choc. Le Nautilus vient sans aucun doute de s'arrêter sur le fond de l'océan. S'avançant vers moi, le capitaine Nemo m'annonce « Ah, monsieur le professeur, je vous cherchais. Nous voici dans la fameuse baie de Vigo, et il ne tient qu'à vous d'en pénétrer les mystères. Regardez. » Il m'est bien sûr impossible de prévenir mes compagnons et tout projet d'évasion est remis à plus tard. Le capitaine se lève, presse un bouton et là, devant les vitres, j'aperçois le fond sableux net et clair. Soudain, des hommes de l'équipage s'occupent à déblayer des tonneaux à demi pourris au milieu d'épaves encore noircies. De ces caisses s'échappent des lingots d'or et d'argent qu'ils déposent avec précaution au Nautilus. Devant mon air ébahi, le capitaine m'explique que nous sommes à l'endroit où, en 1702, des galions chargés pour le compte du gouvernement espagnol avaient coulé. Et c'est ici qu'il vient encaisser de nombreux millions afin de soulager les peuples opprimés. Après avoir combattu les cachalots et croisé des milliers de pingouins, nous nous trouvons à 30 000 environ de la Martinique et de la Guadeloupe. Installés dans le salon, mes compagnons et moi regardons par les vitres du Nautilus. Quand Ned Land se met tout à coup à crier « Ah, l'épouvantable bête ! Ce calmar fait au moins 8 mètres de longueur ! Professeur, regardez ! En voici d'autres à la vitre de tribord. Tout à coup, le Nautilus s'arrête. Accouru dans le salon, le capitaine Nemo examine les monstres, puis ferme les panneaux. Étonné, je lui demande « Voici une curieuse collection de poulpes !» En effet, monsieur le naturaliste, et nous allons les combattre corps à corps. Corps à corps ? Oui, l'hélice est arrêtée. Je pense que les tentacules de l'un de ces calmars se sont engagés dans les branches. Nous allons remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Seulement, mes balles sont impuissantes contre ces chairs molles. Aussi, nous les attaquerons à la hache et au harpon. À peine le Nautilus est-il remonté à la surface que deux bras d'un poulpe géant s'abattent sur un marin et l'enlèvent avec une violence irrésistible. Le pauvre malheureux, saisi par le tentacule, est collé à ses ventouses et balancé dans l'air. Nous nous précipitons à son secours et nous coupons 7 ou 8 bras. Fou de rage, le capitaine Nemo enfonce de plus belle sa lame. Mais l'animal lance subitement une colonne d'un liquide noirâtre, nous plongeant instantanément dans l'obscurité. Hélas, quand ce nuage se dissipe, le calmar a disparu, emportant avec lui le matelot. Immobile, près du fanal, le capitaine Nemo regarde la mer. De grosses larmes coulent de ses yeux. Jamais je ne pourrai oublier cette terrible scène. Désormais, le Nautilus flotte comme un cadavre au gré des lames. Près de 7 mois se sont écoulés sans que nous ayons de nouvelles de la Terre. À bout de patience, Ned Land me déclare « Monsieur, il faut que cela finisse. Il faut parler au capitaine. Je ne resterai pas ici, j'étouffe !» Quand je pénètre dans la chambre du capitaine, je le trouve courbé sur sa table de travail. À ma vue, il relève brusquement la tête et me dit d'un ton rude « Comme voulez-vous ?» « Vous parlez d'une affaire qu'il ne m'est pas permis de retarder. »« Ah oui, et laquelle ? La mer vous a-t-elle livré de nouveaux secrets ?» « Monsieur, depuis 7 mois, nous sommes à votre bord et je vous demande au nom de mes compagnons comme au mien si votre intention est de nous y garder toujours. »« Monsieur Aronnax, je vous répondrai aujourd'hui ce que je vous ai répondu il y a 7 mois. Qui entre dans le Nautilus ne doit plus le quitter. C'est l'esclavage même que vous nous imposez. Donnez-lui le nom qu'il vous plaira. » Revenu dans ma cabine, je rapporte ma conversation à mes deux compagnons. Ned Land conclut aussitôt. « Il n'y a rien à attendre de cet homme. Le Nautilus se rapproche de Long Island. Nous fuirons quel que soit le temps. » Le lendemain matin, hélas, la tempête éclate. Et le Nautilus s'enfonce dans les entrailles de la mer afin d'y trouver des eaux calmes. Cette fois-ci encore, tout espoir de fuir s'évanouit. Depuis un mois maintenant, le capitaine ne cesse de fixer la mer à travers les vitres de son salon. Peut-être ne devrais-je jamais savoir qui il est, d'où il vient, où il va. Mais je vois de plus en plus l'homme se dégager du savant. Bientôt, un léger roulis m'indique que nous flottons à l'air libre. Soudain, une sourde détonation retentit. Mais le capitaine, perdu dans ses pensées, semble ne pas l'avoir entendu. Je monte alors sur la plateforme et je demande à Ned Land « D'où vient cette détonation ?»« Un coup de canon, monsieur. Je ne saurais reconnaître à quelle nation il appartient, mais je peux vous affirmer que c'est un navire de guerre. En tout cas, si ce bâtiment nous passe à 1 mille, je me jette à la mer et je vous engage à faire comme moi. » Je m'apprête à répondre quand une seconde détonation frappe à mon oreille. Conseil me dit alors d'une voix toujours aussi calme « N'en déplaise à monsieur, ils ont reconnu le narval et ils le canonnent. » Je pense immédiatement au commandant Farragut. Quand nous avons été éjectés de l'Abraham Lincoln, il a dû s'apercevoir que le prétendu monstre était en fait un redoutable bateau sous-marin. Ainsi donc, sur toutes les mers, on poursuit maintenant ce terrible engin de destruction. Le navire cuirassé n'est plus qu'à 3 milles et de nombreux boulets se multiplient autour de nous. Soudain, les yeux exorbités par la colère, le capitaine Nemo se met à hurler. « Je vais couler ce navire! Le couler !» Je tente de calmer le capitaine, mais il m'impose immédiatement le silence. « Monsieur, ne vous avisez pas de me juger. Je suis l'opprimé, et voilà l'oppresseur. C'est par lui que ce que j'ai aimé, patrie, femme, enfant, parents, a péri. Tout ce que je hais est là. » L'attaque est maintenant imminente. Les boulets labourent l'eau et s'y vissent avec un sifflement inquiétant. Soudain, je sens le Nautilus s'immerger à quelques mètres au-dessous de la surface des flots. Et je comprends tout de suite que le capitaine Nemo a l'intention de frapper le navire de guerre par en dessous, là où la carapace métallique ne protège plus le bordé. La vitesse du Nautilus s'accroît sensiblement. C'est son élan qu'il prend ainsi. Toute sa coque frémit. Tout à coup, je sens un choc. L'éperon d'acier du Nautilus est en train de passer à travers le vaisseau. Fou, éperdu, je me précipite dans le salon. Le capitaine est là, muet, implacable. Il regarde par le panneau de bâbord la masse énorme du navire qui sombre dans les eaux, emportant avec elle l'équipage tout entier. Et sans que je puisse faire le moindre geste, j'assiste à la lente agonie du navire jusqu'à temps qu'il touche le fond de l'océan. Après cette vision effrayante, le capitaine Nemo ferme les panneaux et donne l'ordre du départ. J'éprouve maintenant une insurmontable horreur pour cet homme. Depuis 15 ou 20 jours, la situation devient insupportable. Déterminé, Ned Land m'annonce « Nous allons fuir la nuit prochaine. » Toute surveillance semble avoir disparu. On dirait que la stupeur règne à bord. « Vous êtes prêt, monsieur ?»« Oui, mais où sommes-nous ?»« Je n'en ai aucune idée, mais je viens de relever des terres à 20 milles dans l'est. » La mer est mauvaise, le vent violent. Mais avec le canot, nous avons peut-être une chance de réussir. Si nous devons mourir, Ned, nous mourrons ensemble. Je serai au canot à 10 heures ce soir. Avec 1000 précautions, je rejoins mes compagnons au canot. Alors que Ned Land commence à dévisser les écrous qui nous retiennent encore au Nautilus, nous nous mettons à tourner à une vitesse vertigineuse. Au cri de l'équipage, je comprends que nous nous trouvons sur les dangereux parages de la côte norvégienne. C'est effrayant! À la marée montante, ces eaux forment un tourbillon gigantesque dont aucun navire n'a jamais pu sortir. Pour la première fois, la tôle d'acier du Nautilus craque sous les eaux bouillonnantes. Combien de temps tiendrons-nous à être ballottés dans cet enfer marin? Mais Ned Land nous crie « Revissons les écrous! En restant attachés au Nautilus, nous pouvons nous sauver encore! Cours !» Hélas, le Canadien ne peut terminer sa phrase. Le canot vient de se détacher et le voilà projeté comme une pierre au milieu du tourbillon. Sous le choc, je perds connaissance. Je ne sais comment le canot a échappé à l'incroyable remous. Mais je me retrouve couché dans la cabane d'un pêcheur. Et quand je vois mes deux compagnons installés près de moi, je cours les embrasser. C'est donc là, au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis, que je revois toutes mes aventures. En moins de 10 mois, j'ai franchi 20 000 lieues sous les mers. Mais qu'est devenu le Nautilus? Le capitaine Nemo vit-il encore? J'espère sincèrement que son puissant appareil a vaincu la mer et qu'il habite toujours cet océan. Mais j'espère aussi que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance. Que le savant qui vit en lui continue sa paisible exploration des mers. Car si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Et ça, je l'ai compris dès ma première descente sous les flots.